Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du mag sur Radioactive. Dans ce nouveau numéro, on va parler de la prochaine célébration de la Saint-Vincent. Et pour en parler, on accueille aujourd'hui Robert Cronier. Bonjour Robert. Bonjour. Alors Robert, vous êtes, et c'est comme ça que vous vous définissez, un homme de la terre, issu d'une lignée d'agriculteurs. Vous êtes le 7e grand maître de la commanderie des Grands Vins d'Amboise, titre que vous portez depuis 2021. Tout à fait, tout à fait. Dans cette confrérie représentative de la culture du vin qui existe depuis 1967, mais qui prend ses sources au XIIIe siècle. Tout à fait, oui. Jusqu'ici, c'est tout bon ? C'est tout bon jusqu'ici, oui, tout à fait. Voilà, vous m'aviez parlé lors de notre première rencontre de l'île d'Or, notamment. Voilà, notamment, parce que notre confrérie, notre commanderie, en définitive, c'est une commanderie, a pris modèle quelque part un petit peu sur la commanderie donc, de moines hospitaliers qui vivaient au XIIIe siècle, donc dans l'île d'Or, qui s'appelait à l'époque l'île Saint-Jean. Voilà. C'était une commanderie de moines hospitaliers. Et on retrouve plein, disons, d'histoires sur Amboise, parce qu'on a la rue de la commanderie, on a la rue des grands maîtres, vous voyez, toute l'histoire a été reprise également donc, par la ville. Alors, la commanderie organise la célébration de la Saint-Vincent. Alors, chez nous, c'est le technicien, chez vous, c'est le saint patron des vignerons. Voilà, voilà. Et il est célébré chaque année autour du 22 janvier. C'est ça, tout à fait, oui, c'est au moment de la Saint-Vincent. Alors, qu'est-ce qui se passe traditionnellement pour la Saint-Vincent ? Donc là, il y a ce que vous proposez, vous, comme programme, mais qu'est-ce que ça représente, la Saint-Vincent ? C'est quoi ? Alors, la Saint-Vincent, c'est la fête des vignerons, en définitive, parce que dans l'histoire, Saint-Vincent était un moine qui a souffert donc, du temps des Romains donc, en Espagne, et puis qui est décédé, en définitive, sous le joug des Romains. Mais il y a une autre légende qui dit que Saint-Vincent, un jour, se promenait dans un vignoble avec son âne. Il s'arrête discuter avec les vignerons, et pendant ce temps-là, son âne a brouté la vigne. Alors donc, au sacrilège, mais on s'est aperçu que l'année suivante, la vigne qui avait été broutée par l'âne a donné beaucoup plus de raisins, vous voyez ? Et donc, on prête également donc, cette légende à Saint-Martin de Tours et de son âne, hein, ce qui veut dire que c'est l'âne qui aurait inventé la taille de la vigne. Oui, parce que du coup, c'est à la Saint-Vincent que débute la taille de la vigne, qui est une étape clé du travail du vignoble. Voilà, disons que c'est le point d'orgue en définitive, enfin disons techniquement, entre la descente de la sève et la montée de la sève. Vous voyez, c'est la période où la sève dans la vigne commence à remonter, donc la vigne commence à retravailler. Et donc là, c'est vraiment le point d'orgue de la taille de la vigne à cette période-là. Et alors, c'est toujours le cas malgré l'évolution climatique ? On pourrait se poser la question, parce que là, on entend plein de choses dans les médias, qu'il n'y a jamais eu d'hiver aussi froid depuis longtemps. On discutait ce matin encore avec des retraités de notre équipe des myosotis qu'on salue d'ailleurs et qui nous disaient que c'est pas vrai, il y a longtemps il y avait aussi des hivers très froids, il y avait peut-être plus de neige, enfin vous avez un avis là-dessus ? Ah oui, tout à fait, les hivers étaient très très froids, l'hiver le plus froid que j'ai connu, moi c'était l'hiver 85, on a eu jusqu'à moins 20 et entre moins 15 et moins 20 pendant 15 jours, vous voyez. Et la Loire était gelée ? La Loire était gelée, bien sûr, oui. Ouais. Le charrier des glaçons, hein, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Ça ne s'est pas beaucoup revu depuis, mais on a eu des gelées à moins 10, moins 12, c'est normal pour la région, mais des hivers aussi doux, là on sent quand même un dérèglement climatique. Oui, vous le ressentez. Oui, tout à fait. Et donc la taille de la vigne, elle conserve quand même cette périodicité ? Donc, cette périodicité, en définitive, mais là, maintenant, comme on n'a pas trop d'hiver, on se bute à un problème de gel de printemps, vous voyez, pour la vigne qui est pire. Parce que bon, la vigne à moins 20 ne gêne pas, voyez. C'est ce qu'on appelle des gelées noires, la vigne est hors pot de végétation. Mais lorsqu'on a des gelées de printemps qui arrivent fin mars, début avril, où la vigne, là, est en végétation, à 0 moins 1, ça fait de gros dégâts sur la vigne. Voyez. D'où les hélicoptères qui brassent. Voilà, tout à fait. Qui essaient, bon, mettre des choses en place, ce n'est pas toujours très efficace. Bon, enfin, il y a des choses qui sont mises en place, il faut bien faire, hein. C'est humain en plus. Hein. Et donc, la taille de la vigne, en définitive, se diffère de plus en plus tard vers le printemps, parce que la vigne, plus elle est taillée tard, moins elle va démarrer. Et oui, et voyez. Du coup, éviter les gelées. Donc, ça va limiter les gelées. Quoi. C'est un facteur limitant quand même pour les gelées. Ouais. Et vous continuez, malgré votre casquette de grand maître de la commanderie des grands vins d'Amboise et toutes vos activités, parce que vous êtes bien occupé, vous continuez à travailler. La vigne ? Alors moi, je ne suis pas viticulteur. Mes grands-parents étaient viticulteurs, alors donc en définitive, moi je suis de la 4e génération, mais c'est mon père qui avait arrêté la culture de la vigne pour faire de la pépinière, c'est différent. Et donc, à la commanderie, nous n'avons pas uniquement des viticulteurs, on a quelques viticulteurs, mais il y a beaucoup de personnes, quelque part, qu'on appelle des laïcs, qui ne sont pas viticulteurs, parce que le but de la commanderie, en définitive, c'est de faire la promotion des vins. On est un peu des ambassadeurs du territoire viticole d'Amboise. Donc, il vaut mieux avoir des gens d'un petit peu d'horizons différents, vous voyez, pour parler de l'Amboise et ainsi de suite, quoi. Ouais. J'imagine que vous étiez là pour les vendanges, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, venons-en au programme de cette Saint-Vincent tournante, et vous allez nous expliquer pourquoi, qui est organisée par la Commanderie des Grands Vins. C'est bientôt, puisque ça aura lieu le 26 janvier prochain. Le dimanche 26 janvier, tout à fait. C'est bien ça. Alors, quel va être le programme ? Alors, le programme, donc là, on calque sur une tradition, on retravaille les traditions. Donc, la Saint-Vincent, par tradition, donc, elle était tournante. C'est-à-dire qu'elle était régulièrement organisée dans les villages de l'appellation Touraine-Amboise, à peu près dans les 10 villages de l'appellation. Et donc, la fête commence en effet par un office religieux, c'est Saint-Vincent, donc ça, c'est la coutume. C'est la coutume. Et donc, avant, les offices religieux se faisaient dans les communes, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on reste sur Amboise. On reste donc à la collégiale Saint-Denis, donc il y a un office. Et puis, donc, avec le concours des trompes de chasse d'Amboise, qui amène un petit peu plus de spectacle. Et à la fin de l'office, il y a la traditionnelle distribution de brioches. Oui, ça aussi, c'est très traditionnel. C'est très traditionnel. Ça calque en définitive à l'époque où les pauvres faisaient l'aumône à la sortie d'église, quelque part. Vous voyez, donc c'est une tradition qui est restée. Puis il y a une petite dégustation de vin de Touraine-en-Bois sur le parvis qu'on fait depuis quelques années, puis qui a du succès. Ça réchauffe par ce temps. Ça réchauffe, c'est très convivial, ça permet de discuter avec les gens. C'est vraiment très bien. Et ensuite, donc, nous allons à Chargé, donc là, pour la fête, pour le repas et les intronisations. Alors, la coutume aussi à la Saint-Vincent, c'était d'introniser le plus ancien viticulteur de la commune. Ça se faisait. Alors donc, l'année dernière à Limeray, donc, c'était une dame, en définitive, une dame que l'on a intronisée, qui était la plus ancienne. Et cette année, donc, c'est un des, pas forcément le plus ancien, mais un des plus anciens de Chargé. Et en plus, il a été maire de Chargé. Puis il a beaucoup travaillé, il est passionné par son métier. Donc, il a dignement, gagné ses galons de chevalier de la commanderie des Grands Vins d'Amboise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au domaine viticole Plou et Fils, justement, Chargé en décembre ? Voilà. Alors, donc, pour symboliser donc, cette Saint-Vincent, nous avons une statue, la statue de Saint-Vincent, que l'on porte en procession, d'ailleurs, dans l'église au moment de l'office. Et cette statue donc, nous suit tout le long de la journée. Et la statue, elle reste en définitive dans la commune qui a organisé la Saint-Vincent. Elle y reste à l'année, là, elle est à Chargé actuellement. Quand vous rentrez à la mairie, vous avez le maire, il tient vraiment. C'est un petit peu comme une coupe chez les sportifs. C'est un peu comme une coupe, voilà, c'est ça. Et la coutume était donc avant, pour lancer un petit peu la fête de la Saint-Vincent, le point d'orgue en définitive du début de l'organisation. Donc il y a un transfert de statut qui se fait entre les deux maires, voilà. Et la partie un petit peu officielle, passation du trophée, ouais, voilà, ouais. Tout à fait. Quoi. Et donc, ça s'est fait donc, avec Madame le maire de Limeray et puis Monsieur le maire de Chargé. C'était très, très sympa. Et on s'est dit, tiens, au lieu de faire ça dans un endroit public, pourquoi pas faire ça dans une cave ? Et on a fait ça donc chez Mathieu Plou et de surcroît qui est le président du syndicat des vins d'Amboise. Donc tout était. Ça avait tout son sens. Et puis avec un discours de Gérard Garlet qui est votre grand commandeur. C'est mon grand commandeur parce que moi j'étais absent. Et puis par désir aussi de déléguer aussi à d'autres dignitaires. Très bien. Alors l'office à la collégiale Saint-Denis et après ça, je crois qu'il y a un repas. Oui, il y a un repas. Il y a un repas à Chargé, tout à fait. Alors, un repas qui va être composé, attention, chers auditeurs. Alors, on va être sur du filet de flétan en croûte de noisette, turban de porcelet confit et petits légumes, gratiné de chèvre au miel et ses jeunes pousses, trilogie de mini-desserts. Enfin, ça va, les papilles vont en avoir ça, pour... Avant les repas, on se faisait un petit peu banquier, choses comme ça. Là, on a voulu remonter un petit peu le niveau parce que, donc, nous, la viticulture et la gastronomie, donc, on est des frères et sœurs. Donc, c'est une affaire d'épicurien. Voilà, tout à fait. Et donc, le tout accompagné de vin qu'on a sélectionné par la commanderie. Et là, ce repas, il va être préparé par Thierry Garane. Thierry Garane, oui, tout à fait. Donc, des animations prévues également avec une animation musicale et puis une tombola. Oui, on fait toujours une petite tombola pour gagner des bouteilles, des choses comme ça. Alors, si on veut vous rejoindre pour ce repas, alors pour la cérémonie évidemment, mais pour le repas, l'idée c'est de pouvoir assister à l'ensemble évidemment. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on s'y prend, Robert ? Alors là, donc, vous pouvez aller sur le site de la commanderie des Grands Vins d'Amboise, hein, et puis récupérer donc l'adresse mail de notre grand argentier, notre trésorier, on l'appelle le grand argentier, hein, avec votre règlement. Donc, il se fera un plaisir donc, de vous mettre sur les listes. Il reste encore quelques places. C'est parfait. Alors, on va communiquer le mail qui est spam.gérard@wanadoo.fr. Voilà, tout à fait. On vous remettra de toute façon la communication sur le podcast sur Facebook. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une question parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé des costumes d'apparat qui étaient en cours de modernisation. Alors est-ce que ça y est, vous les avez réceptionnés? Alors ils ne sont pas réceptionnés, c'est quand même assez long parce que vous savez, à la commanderie, on est quand même une vingtaine. Alors donc il a fallu quand même mener cette petite enquête. Donc ça a été déjà assez long, puis c'est tout à fait normal parce que là, les costumes ont été créés en 1967. Et donc, bon... À la création de la commanderie, en fait. Commanderie, donc il commence un petit peu à... Ça ne se voit pas trop, mais bon, à s'user un petit peu. Et donc là, il fallait absolument en refaire. Et on s'est dit, bon, il faut quand même moderniser vis-à-vis des jeunes générations. Mmh. Voilà, en plus avec les jeunes générations, on a des fois la mayonnaise un petit peu de mal à prendre. Mais enfin ça, je ne critique personne parce que je me dis toujours, il faut toujours se remettre en cause. Ça vient peut-être de nous. Et donc, on commence déjà par moderniser ces costumes qui vont avoir plus rien à voir avec cette tenue de dignitaire en définitive. On va avoir quelque chose qui va reprendre les couleurs plus... on s'appuie sur des couleurs officielles. Mm-hmm. Je vous en dis pas plus parce que là, c'est... C'est top secret défense pour l'instant. Voilà. Mais en tout cas, Robert Orantaine, il m'a affirmé que quand ce serait prêt, voilà, eh ben, il viendrait en parler et puis, et puis qu'on pourra communiquer sur un visuel de ces nouveaux costumes. Tout à fait. Ça sera quelque chose qui n'aura rien à voir avec les tenues d'aujourd'hui. Quelque chose qui va nous permettre, disons, de nous mélanger un petit peu plus à la vie, à définitive. Ok, Robert, je vais vous proposer qu'on marque une petite pause en musique et puis on se retrouve tout de suite après parce que vous avez une autre actu à laquelle vous vous associez, c'est la ronde solidaire du Val d'Amboise. Donc on va en parler juste après. Tout à fait. Je veux l'eau et le vin, la pierre et le raisin. Je veux l'eau dans tes mains et le vin quand il convient. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin, la mer qui me revient. Je veux l'eau des marins. Au chagrin et les vins d'en rajouter. Trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée. Il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La terre et le venin, je veux l'eau des matins, aussi beau que le pain, le vin qui me parle, et l'eau qui ne dit rien. Poisson dans l'un, toison dans l'autre, l'eau. Au chagrin, il est vain d'en rajouter. Trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains, l'eau. Poisson dans l'un, poison dans l'autre, au chagrin et les vins d'en rajouter. Trop de tanins me fait sombrer en eau douce, en zone sinistrée. Il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin. Il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. De retour sur l'antenne de Radioactive après une pause en musique. Vous êtes toujours dans le MAG. Mon invité aujourd'hui, c'est Robert Cronier. Robert est 7e grand maître de la commanderie des grands vins d'Amboise. Il est venu nous parler, entre autres, de la célébration de la Saint-Vincent qui aura lieu le 26 janvier à Amboise, avec au programme un office religieux à 10h30 en la collégiale Saint-Denis. Il y aura la présence des trompes de chasse d'Amboise, la distribution de la traditionnelle brioche et le verre de l'amitié sur le parvis, pour ensuite passer à l'excellent repas préparé par Thierry Garan et agrémenté d'animations musicales et d'une tombola. Vous pouvez vous inscrire, notamment en écrivant à l'adresse mail suivante spam.gerard@wanadoo.fr. Alors Robert, il y a une deuxième actualité dont vous vouliez nous faire part, il s'agit d'un trail. Ça aura lieu le 8 février. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, donc, c'est le trail donc, du Val d'Amboise. C'est un trail qui a été, en définitive, voilà, une dizaine d'années, proposé par un grand maître qui avait des amis, donc, qui avaient malheureusement la sclérose en plaques et qui faisaient partie de l'association qui s'appelait l'ARCEP à l'époque. L'idée, c'était de coupler avec la Saint-Vincent, en définitive, une manifestation caritative. D'où la ronde solidaire. Donc, la ronde solidaire. Et ça a bien pris. Ça s'est développé et tout. Et on est monté, l'année dernière, on était, je crois, presque 800 participants. Oui, on peut dire que ça a bien pris, en effet. Voilà. Et ce qui veut dire qu'à terme, il a fallu créer une association complètement à part, qui est rattachée d'ailleurs à l'Organisation nationale de la recherche de la sclérose en plaques. Et donc, bien sûr, et tous les bénéfices donc, sont au profit donc, de la recherche contre la sclérose en plaques. Donc, ça consiste en quoi ? C'est une randonnée ? Alors, il y a plusieurs... attention, il y a de la compétition. Hein, il y en a qui viennent pour gagner. Hein. Attention ! Ah oui, oui, oui. Donc, vous avez deux circuits et une randonnée pour les Amboisiens, pour tout le monde, hein, les enfants. Il y a même un petit circuit pour les enfants. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa parce qu'on a un coach sportif qui vient les chauffer le matin. C'est... Ah, super. Les enfants sont vraiment ravis. Et puis après, il y a la course qui, je crois, qui fait 10 km où là, vraiment, vous avez des sportifs. On a des chronomètreurs officiels qui sont là. Hein. Le temps est calculé et tout. Puis il y a des remises de prix donc, à l'arrivée. Avec un petit verre de vin, peut-être ? Alors après, le soir, bien sûr, on fait la fête à la cave au fouet. Mais bien sûr, c'est un lieu symbolique. On a une cave, quoi. Avec, pas forcément tout le monde, mais enfin bon, on se retrouve une petite centaine à faire un petit peu la fête et on fait des intronisations. Et on intronise souvent, c'est des sportifs ou des gens vraiment qui ont des personnalités qui ont beaucoup travaillé pour la recherche de la sclérose en plaques. Très bien, et ben on note cette info et on note surtout cette date, le 8 février. Et d'ailleurs, si quelques personnes ont envie de donner un petit peu de leur temps. Voilà, oui, tout à fait, là, parce que c'est une organisation, attention, qui est très, très sérieuse, si je peux dire, parce que, notamment les coureurs qui viennent pour faire la compétition, parce qu'il y a des compétiteurs, et c'est très bien, il faut vraiment un fléchage vraiment très, très, très sérieux. Mmh, voyez Parce que, bon, ils courent dans les vignes, hein, ça s'appelle d'ailleurs entre vignes et châteaux. Donc, il faut que le balisage soit, parce que dans la campagne, ils peuvent se perdre, donc il y a des balisages officiels, et il nous faut, aux endroits stratégiques, des bénévoles pour diriger. Mmh. Voyez. Et voilà, donc de préférence, des adultes, bien sûr, hein, titulaires de permis de conduire. Et ces gens-là, en définitive, ont quelque part un petit pouvoir de police parce qu'ils sont déclarés à la préfecture. Et donc, bien sûr, ils n'ont pas le droit de verbaliser, mais en cas de problème, leur témoignage donc, est pris en compte. Mmh. Voyez. D'accord. C'est quand même quelque chose de très sérieux. Alors, vous l'évoquiez, les châteaux. Vous allez justement avoir la possibilité de traverser, si vous participez à ce trail, de traverser des sites historiques ouverts pour l'occasion. Voilà, tout à fait. Donc, les trois courses en définitive traversent les trois sites plus importants d'Amboise, qui sont donc le château d'Amboise, le Clos Lucé et Château Gaillard. La pagode de Chanteloup, on y pensait bien, mais c'est un petit peu trop loin et on est obligé de traverser des grands axes. Alors donc, c'est très compliqué. Voilà, encore quelques années, quand on discutait avec le responsable, il disait qu'en définitive, la ronde solidaire d'Amboise, le trail d'Amboise, donc de l'Arcep, était le deuxième plus important de France après celui de Paris. Ah, quand même ! Oui, parce que des trails où on traverse trois sites historiques, trois châteaux, il n'y en a pas, quoi, en définitive. Donc, au niveau du monde, un petit peu, disons, de la recherche de la sclérose en plaques, parce qu'il y a beaucoup d'autres associations, Amboise est quand même très réputé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout issus de la région centre et qui viennent participer. Ah là, il y en a qui viennent de toute la France. C'est génial. Il y en a qui viennent de toute la France. Donc là, vraiment, on est vraiment ravis pour la région, pour le territoire, parce que faire venir en février 700 à 800 coureurs avec les accompagnateurs, imaginez un petit peu le monde que ça peut faire pour les hôtels, pour l'économie, en définitive. Vous voyez, tout le monde y retrouve son compte. Une belle opération. Voilà. Bien, écoutez, merci pour toutes ces informations. La première étant, on le rappelle, la Saint-Vincent, qui sera célébrée le 26 janvier prochain. Saint-Vincent, qui est un moment de partage, de solidarité entre vignerons et bien sûr une belle occasion de célébrer le vin. Et puis, cette ronde solidaire du Val d'Amboise, ce trail qui aura lieu le 8 février. Merci beaucoup, Robert. C'est moi qui vous remercie. Je ne vais pas vous demander de me chanter en passant par Amboise à la fin de l'émission. Non, parce que moi, je chante faux. Mais bon, Qu'est-ce que c'est, cette... Alors, c'est un chant qui a été créé par un artiste des années 60, je crois, qui s'appelait Gilles Parker. Bon, vous allez sur Internet, vous arrivez à trouver son nom dans un petit coin. Et qui a créé une chanson qui s'appelle « En passant par Amboise », avec la musique et tout. Et puis, ça s'était un petit peu perdu. Et quand j'ai repris la commanderie, j'ai dit « C'est quand même dommage, il y a des chants qui ont été créés pour la commanderie. » Oui, spécifiquement pour Amboise. Voilà, et donc j'avais retrouvé les paroles dans les archives. Et par contre, je n'avais pas la musique. Et Thierry Donnet, qui est un dignitaire et un vigneron à la retraite d'Amboise depuis plusieurs générations, quelqu'un qui est très attaché aux traditions de la commanderie, il les a retrouvés, je crois, c'est grâce à l'ancien chef de musique d'Amboise, qui les avait dans les archives, à la musique d'Amboise. Ah, Pascal Caratti. Pascal Caratti, voilà. Tiens. Et un jour, il dit à Pascal, il dit, t'aurais pas ça. Mais il dit, écoute, va dans la salle des archives. Et il l'a retrouvé. Voilà. Super. Alors maintenant, si vous voulez entendre la chanson qui s'appelle « En passant par Amboise », eh bien, écoute, venez nous retrouver à la fête de la Saint-Vincent. Je n'aurais pas mieux dit pour clôturer cette émission. Voilà. Merci beaucoup. Merci Robert. Ouais. C'est la fin de ce mag. On se retrouve dès demain 18h pour un nouveau numéro.